Suis ton cœur, suis ton étoile. Sois plus fort, va jusqu'au bout. La route est longue mais pleine d'espoir. Viens me dire enfin que tu m'aimes. La route est longue.